Ésaïe chapitre 45. Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je délie les reins des rois, afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point fermées. J'irai devant toi, et je dresserai les chemins tortus, je romprai les portes des reins, et je mettrai en pièces les barres de fer. Et je te donnerai les trésors cachés, et les richesses le plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël mon élu, je t'ai, dis-je, appelé par ton nom, et je t'ai surnommé, bien que tu ne me connusses point. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, il n'y a point de Dieu que moi. Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses point, afin qu'on connaisse depuis le soleil levant, et depuis le soleil couchant, qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière, et qui crée les ténèbres, qui fait la paix, et qui crée l'adversité, c'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Aux cieux, envoyez la rosée d'en haut, et que les nuées fassent distiller la justice, que la terre s'ouvre, et qu'on produise le salut, et que la justice germe ensemble, moi, l'Éternel, j'ai créé cela. Malheur à celui qui plaide contre celui qui l'a formé. Que le pot plaide contre les autres pots de terre, mais l'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu, et, tu n'as point d'adresse pour ton ouvrage? Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi engendres-tu, et à sa mère, pourquoi enfantes-tu? Ainsi a dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est son Créateur, ils m'ont interrogé touchant les choses à venir, et me donneriez-vous la loi touchant mes fils, et touchant l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l'homme sur elle, c'est moi qui ai étendu les cieux de mes mains, et qui ai donné la loi à toute leur armée. C'est moi qui ai suscité celui-ci en justice, et j'adresserai tous ses desseins, il rebâtira ma ville, et renverra sans rançon et sans présent, mon peuple qui aura été transporté, a dit l'Éternel des armées. Ainsi a dit l'Éternel, le travail de l'Égypte, et le trafic de Chu, et les Sébéens, gens de grande stature, passeront vers toi, Jérusalem, et ils seront à toi, ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés, et se prosterneront devant toi, ils te feront leur supplication, et te diront, certes le Dieu fort est au milieu de toi, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Certainement tu es le Dieu fort qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Eux tous ont été honteux et confus, les ouvriers d'images s'en sont allés ensemble avec honte. Mais Israël a été sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel, vous ne serez point honteux, et vous ne serez point confus à jamais. Car ainsi a dit l'Éternel, qui a créé les cieux, lui qui est le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a affermie, ne l'a point créée pour être une chose vide, mais il l'a formée pour être habitée, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en secret, ni en quelque lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel, proférant la justice, déclarant les choses droites. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, vous, les réchappés d'entre les nations. Ceux qui portent le bois de leur image taillée ne savent rien, ni ceux qui font requête à un Dieu qui ne délivre point. Déclarez, et faites approcher, et même qu'on consulte ensemble, qui est-ce qui a fait entendre une telle chose dès longtemps auparavant? Qui l'a déclaré dès lors? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Or il n'y a point d'autre Dieu que moi, il n'y a point de Dieu fort, juste et sauveur, que moi. Vous, tous les bouts de la terre, regardez vers moi, et soyez sauvés, car je suis le Dieu fort, et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même, et la parole est sortie en justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée, que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue jurera par moi. Certainement on dira de moi, la justice et la force est en l'Éternel, mais quiconque viendra contre lui, sera honteux, et tous ceux qui seront indignés contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée, et elle se glorifiera en l'Éternel.